Zidane est devenu avec le temps un titan. Avec un style décapitant, un flow qui pète les dents dans le rap. J'suis l'aspirant capitaine, D.A.N. s'élève au-dessus de la capitale. B.R.O. sur les lèvres parce que le truc se prépare. Le projet s'achève, le Québec on s'accapare. J'ai rien à foutre de ce qu'ils pensent, moi je sais qu'on est capable. J'ai plus de hits que la frappe des Yankees dans mon cartable. J'ai le rap tellement unique qu'il en est incalcable. J'suis pas le gars qui te nique, les racistes me rendent malade. Et tu le ressens, tout le monde fait ho dans la salle. T'es deux pôles aux deux sides. C'est B.R.O. ma puissance, c'est le prochain Big Bang. Et ce Québec l'épicentre, watch out le projet qui se mine. On fait nos trucs, pis tant pis ce que les autres disent. Je vois les points dans les airs. Yo c'est Brother, à la vie, à la mort. Je vois les points dans les airs, B.R.O. large les amours. C'est B.R.O. ma puissance, c'est le prochain Big Bang. Et ce Québec l'épicentre, watch out le projet qui se mine. Yo c'est Brother, à la vie, à la mort. Je vois les points dans les airs, B.R.O. large les amours. C'est B.R.O. ma puissance, c'est le prochain Big Bang. Et ce Québec l'épicentre, watch out le projet qui se mine. Yo c'est Brother, à la vie, à la mort. Je vois les points dans les airs, B.R.O. large les amours. C'est B.R.O. ma puissance, c'est le prochain Big Bang. Yeah.